Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Sam Phillips, l'homme derrière l'invention du rock and roll. Elvis Presley has to be one of the most outstanding people that it's been my pleasure to meet in my lifetime. After listening to his voice, I was highly impressed with what I thought he could do as an artist. Le producteur de disques Sam Phillips qui parle de sa rencontre avec Elvis Presley qui précise à quel point la voix du King l'a tout de suite impressionné. Créateur de l'étiquette Sun Records à Memphis au début des années 50, Sam Phillips va découvrir de très nombreux talents. C'est lui qui va lancer la carrière d'Elvis Presley, bien sûr, mais aussi de Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Carl Perkins et combien d'autres encore. You've heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. In 1950, when Sam Phillips started here. En 1950, Sam Phillips a commencé ici. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il avait un rêve, un désir. Donner aux musiciens noirs locaux un endroit où ils pourraient enregistrer. Parce qu'ils avaient plusieurs endroits pour jouer, mais aucun pour enregistrer. They had no place to record. V8 motor is smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! Vous entendiez un extrait du documentaire des Kitchen Sisters, Sam Phillips, Sun Records and the Acoustics of Life sur la chanson Rocket 88. Rocket 88 qu'on qualifie souvent de premier enregistrement de chanson rock'n'roll de l'histoire de la musique. La chanson a été enregistrée au studio de Sun Records en 1951. Pour nous raconter l'assez formidable histoire de Sam Phillips et de cette étiquette Sun Records, mon invité est l'auteur, compositeur, interprète Steve Normandin. Steve Normandin, bonjour. Bonjour. On dit parfois assez souvent, en fait, que Sam Phillips est l'homme qui a inventé le rock'n'roll. C'est une belle formule, mais au-delà de la formule, Steve Normandin, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Quelle importance il va avoir, Sam Phillips, dans l'histoire de la musique et dans la naissance du rock'n'roll? Bien, son grand pouvoir à Sam Phillips, c'est d'avoir été une plaque sensible, c'est d'avoir compris l'essentiel de la musique et des rencontres des genres qui pouvaient se trouver dans le sud des États-Unis à ce moment-là. Et si il y a un acte fondateur, c'est bien d'avoir eu cette sensibilité. Parce que du moment où Sam Phillips espérait, au fond de lui, de faire en sorte que les musiciens noirs, qu'il appréciait beaucoup, puissent avoir enfin une opportunité de s'exprimer dans des studios qui étaient situés pour une des premières fois du moins dans le sud, ouais. Alors que tous les artistes devaient se rendre ou à New York ou à Chicago ou sur la côte ouest, dans le coin d'Hollywood par exemple, pour aller enregistrer de la musique. Là, on avait la possibilité pour une première fois de se faire rencontrer des musiciens noirs, ouais. La communauté blanche aussi qui était fortement inspirée par la musique country, et c'est cette rencontre du blues et du country qui, avec une grande habileté, enfin, Sam Phillips va avoir les antennes grande ouverte et se faire naître une musique dans une sorte de laboratoire qui est un tout petit studio. Mm-hmm. Et Sun Records va gagner ses lettres de noblesse, ainsi bien entendu, M. Phillips. Donc, vous répondez oui, finalement. Oui, définitif. Importante, donc, dans ce mélange, la musique noire qu'il transforme avec cette influence plus country des Blancs et qui va donner le rockabilly puis éventuellement le rock'n'roll. Tout à fait. Ouais. Et quand ce qui est beau de chez Sam Phillips, c'est qu'il arrive à prendre de la force de chacun des groupes. Ouais. Et à un moment donné, quand il faudra qu'il prenne une décision qui va être déchirante pour lui, ça va être difficile, il faudra qu'il décide de faire en sorte de trouver un cheval de Troie qui lui permettrait de combler les attentes du public plutôt blanc, ouais. Et tout en ayant un artiste qui soit blanc avec une volonté de noir, parce que les artistes noirs dont il va faire la promotion, ce sont de bons enregistrements, les artistes sont formidables, mais ils se retrouvent dans une situation sociale extrêmement complexe. Mm-hmm. Donc, c'est quand l'art est confronté à la réalité d'un quotidien, le sud des États-Unis, déjà à ce moment-là, et ça fait des années que ça dure, les personnes qui veulent se sortir de leurs conditions, il n'y a que les personnes pauvres blanches qui peuvent aspirer à avoir une mm-hmm. meilleure condition, alors que les Noirs sont encore pointés du doigt, ouais. Et tenus à l'écart. Et pourtant, la qualité de la musique qui est produite et des gens qui jouent dans cet environnement-là, ouais. Memphis est un bassin extraordinaire et déjà Sam Phillips le reconnaît dès les premières ouais. minutes. Puis au fond, il va donc chercher cette... ce blanc qui va pouvoir faire sortir, diffuser cette musique qui s'inspire du Sud. Et on va y revenir, mais ce blanc-là, bien sûr, ce sera Elvis Presley. Le Sud, parlons-en. Vous parlez de cet environnement, de ce qu'est Memphis à l'époque. Sam Phillips, très, très tôt, a la piqûre et passionné de musique. Mais, et cette rencontre qu'il aura très jeune avec la musique, c'est cette musique du Sud. C'est la musique que chantent les travailleurs dans les champs de coton. C'est ce qui l'entoure, au fond. Bien entendu. Et il faut comprendre que Memphis est une plaque tournante depuis la crise économique de 1929. Memphis perd un peu de son reluisant, si vous voulez, mais pendant des années, il y avait les grandes entreprises qui vendaient le coton à travers le monde, et ce qui fait que tous ces gens-là travaillent, chantent et ont besoin de se divertir. Ouais. Alors, Beale Street, qui est mythique, la rue qui est superbe, il y a plein de bars où les gens viennent s'exprimer. Phillips, lui, a longtemps fait de la radio. Il vient de l'Alabama, mais quand il arrive et qu'il s'installe à Memphis, il réalise en tant qu'animateur radio, oui, il y a eu un potentiel musical extraordinaire, on va leur donner une chance. Mm-hmm. Mais l'idée d'avoir un studio ne lui vient pas tout de suite. Il crée cette petite entité qui s'appelle Memphis Recording Service, ouais. où il va vers les gens dans des congrès, dans des mariages, des enterrements. Il propose des services pour enregistrer les différents discours ou les activités. Si vous voulez, par exemple, faire un cadeau à votre mm-hmm. famille, vous enregistrez la chanson que vous souhaitez. Un studio mobile. Exactement, ouais. studio mobile. Et en passant des annonces en tant qu'annonceur radio, il dit, si vous voulez enregistrer, venez chez nous. Alors ouais. évidemment, la fonde musicale de l'époque se dirige vers Memphis Recording Service pour essayer de ouais. faire de leur mieux, quoi. Et pour faire avancer leur musique. Et quand ils se rendent compte du potentiel musical, ils se disent, on devrait pouvoir leur offrir un service de diffusion qui est ouais. beaucoup plus grande, et en étant animateur de radio, les disques, ils pourraient donc les faire jouer. Mm-hmm. Son travail de disc jockey était déjà en amorce à ça. Donc, le premier studio, ce studio mobile, c'est 49. Oui. L'étiquette, parce qu'il pousse, il y a comme une pensée, là, il avance donc dans c'est presque une mission pour lui de développer ce talent local du Sud. 49, le studio mobile. 51, l'étiquette Sun Records. Oui. Parlez-moi de ça. Les premières années, la vision qu'il a, et poursuivons là-dessus, puis l'état d'esprit, la méthode Phillips, comment il travaille, les premières années de oui. Sun Records, ça ressemble à quoi? Ben, tout d'abord, c'est quelqu'un qui veut faire du défrichage. Il est allé sur le terrain en enregistrant les autres, mais il s'est dit, en ayant un lieu bien précis sur Union Avenue, je vais me louer un local et ce sont les gens qui vont venir à moi. D'abord, ça lui épargnait énormément de temps et pouvait avoir aussi un meilleur contrôle. Donc, dans un premier temps, ce qu'il passionne et ce qu'il fascine dans la musique, on va parler pour commencer de la musique noire, évidemment, ce sont les musiciens de blues. Ouais. Et là, la scène est grande. Il y a un jeune qui va faire ses preuves, qui s'appelle B.B. King, qui se présente un jour au studio. Il y a Howlin' Wolf, qui va devenir l'égérie de Sam Phillips bien avant l'arrivée d'Elvis. Pour lui, la musique noire telle qu'elle se conçoit et le genre musical qu'il apprécie, c'est un des artistes pour qui il va faire des pieds et des mains pour lui ouvrir la voie, quoi. Ouais. Alors, tous ces gens-là, un jour, se rassemblent dans son studio, il fait des sessions d'enregistrement, commence à presser des premiers 78 tours et les 45 tours naissants. Dans la communauté, pas uniquement noire, mais à Memphis, mais dans tout le Tennessee, dans tous les États du Sud, les radios font jouer les disques. Ouais. Ça a un certain impact. Il y a un succès, mais pas forcément un succès commercial. C'est pas des ventes de disques mirobolantes, mais quand même, il arrive à faire sa place. Ouais, c'est un dépisteur. Il a un flair extraordinaire. Il pousse les artistes, d'ailleurs. Il travaille avec un studio, il les dirige. Oui. Là. Il y a un travail de réalisateur. Il dirige très bien, d'autant plus qu'il fait s'installer les musiciens, et plutôt que de dire arriver tout près, il va passer des heures avec une patience infinie pour leur faire sortir. Ça va être la méthode qui va faire en sorte qu'à un moment donné, Elvis va mettre une chanson au monde. C'est-à-dire, il va leur dire, OK, on laisse rouler les rubans et donnez-moi du matériel. À un moment donné, il va, avec un œil très avisé, ça ne swing pas assez bien, c'est pas assez vite. et puis, il va être, si je peux me permettre, il va être innovateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un musicien qui avait laissé dans sa roulotte ou dans sa petite caravane son amplificateur. L'amplificateur tombe dans la rue et il pensait que l'appareil était brisé, alors il l'essaie et ça fait un son de distorsion. Il dit, j'en aurais besoin pour le rock. Très bien, on va l'utiliser. Vous parliez d'Elvis Presley. On y arrive à l'incontournable rencontre entre Sam Phillips et Elvis Presley. Oui. C'est vrai qu'avec Elvis aussi, ça se fera pas tout de suite. Elvis commence un premier enregistrement. Il vole en 53 pour une première fois à Presley. Puis il va revenir chez Sun Records quelques fois. Et c'est en 54 que va se faire le fameux déclic quand Elvis Presley va finalement enregistrer le 45 tours qui va le lancer. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. He came in to make little audition record for his mother's birthday. Il est venu ici pour enregistrer un disque à l'occasion de la fête de sa mère. J'étais occupé à l'arrière du studio, alors Marion Kasker, qui était à l'avant, l'a amené vers moi. À ce moment-là, nous faisions moins d'enregistrements privés qu'à une certaine époque, parce que nous voulions garder la porte ouverte à de nouveaux talents. J'ai tout de même interrompu le travail de montage que je faisais avec du matériel de B.B. King et je lui ai dit de s'installer. Stuff I had cut for Modern and RPM Record. And I said, yeah, bring him on back here. And so that's how we met, and I fell in love with him as a... Je l'ai immédiatement adoré. J'aimais ses cheveux, ses favoris, même s'il avait l'air un peu sale. J'hésite aujourd'hui à employer ce mot en parlant d'Elvis, mais lui-même en a ri par la suite. But he kind of liked it later on and laughed about it, you know. I'm leaving town, baby. I'm leaving town for show. Well, then you won't be bothered with me hanging round your door, but that's all right. But he was different, and you could tell by looking at him that he was a magnificent person. Il était différent, et juste à le voir, on savait qu'il était un personnage extraordinaire. Je savais qu'il y avait de grandes possibilités avec lui si nous allions dans la bonne direction et qu'il pourrait nous être d'une grande aide dans ce que nous cherchions à faire avec Sun Records. Alors, on s'est tout de suite bien entendu. Je le considérais vraiment comme un petit frère, et je pense qu'il se voyait comme tel, lui aussi. I think he really felt that he was my younger brother. I really, truly, I mean, on the first occasion. And I certainly felt like he was my younger brother, you know? I mean... That's all right, mama. Sam Phillips qui racontait au journaliste Daniel Bouchard sa rencontre avec Elvis Presley en 1953. Cette entrevue-là, elle a été réalisée à Memphis en 2002 à l'occasion du 25e anniversaire de la mort d'Elvis. Et puis la chanson, évidemment, qu'on entendait, Steve Normandin, c'est la chanson qui va lancer la carrière de Presley, That's All Right Mama. Et c'est à ce moment-là que ça se produit le déclic entre Elvis et Sam Phillips. Oui, il le soulignait. C'était un peu comme si on était devenu le grand et le petit frère l'un et l'autre. Il y avait un grand respect et en même temps, il se rendait compte qu'il était jeune, il voulait un peu le surprotéger, mais les événements se sont bousculés, ça a tellement pris tout le monde de court. Le fait qu'il, d'abord, il chantait très bien, il bougeait bien, ça a créé un engouement. Et Sam Phillips, malgré ses nombreux succès musicaux, se retrouve avec des problèmes financiers, il se rend compte que pour pouvoir faire la promotion de ses disques, ça lui coûte très cher. Et il s'endette. Donc, plus il vend de disques, plus il s'endette. Et il a dû vendre le contrat, non pas à perte, c'était quand même 35 000 $ en 1956, c'était beaucoup, mais ça va sauver la compagnie de disques. Voilà. Puis on l'écoute justement parler de cette décision-là, parce que c'est vrai qu'il va être très important, Sam Phillips, dans la carrière de Presley. C'est lui qui lance le King, et Presley va être aussi très important pour Sam Phillips, va sauver d'une certaine manière sa compagnie. Mais c'est court, cette association. En 1955, il vend donc le contrat d'Elvis Presley à RCA Victor. À nouveau, Sam Phillips en entrevue avec Daniel Bouchard. You sold your contract with Elvis. Why and how do you feel today about it? Oh, I did it because... Pourquoi avez-vous vendu le contrat d'Elvis? Et comment vivez-vous avec ce geste aujourd'hui? Je ne pensais pas à l'époque que RCA l'achèterait pour 35 000 $. Ça semble petit aujourd'hui, mais c'était beaucoup d'argent pour nous. Et puis j'avais d'autres artistes, et je ne voulais pas que l'étiquette ne soit associée qu'à un seul nom. J'avais Carl Perkins, des artistes noirs et blancs, et j'avais besoin d'argent. I needed some financing. Did you have any regret? None. Oh, absolutely none. Avez-vous des regrets? Aucun. Je me considère chanceux d'avoir joué un rôle dans sa carrière, et je le considère tout aussi chanceux de m'avoir trouvé sur son chemin. C'est vrai que ça, avec le recul, ça paraît une mauvaise décision, vendre le contrat de Presley pour 35 000 $. Mais on l'entend, puis vous le disiez, il n'y a pas le choix, Sam Phillips. Puis ça va sauver sa compagnie, puis ça va lui permettre de relancer Sun Records. Tout à fait. Et avec quel succès. Le fameux Blue Sweat Shoes de Carl Perkins, avec les sous qu'il a engrangés, il va pouvoir en faire une promotion nationale. Et de ce fait, bien que le succès d'Elvis soit arrivé et se soit répandu par les radios, la première vraie grande vente de Sun au niveau des ventes de disques, ouais, c'est Carl Perkins avec son désormais célèbre Blue Sweat Shoe qu'Elvis s'appropriera par la suite. Mais en un mot, qu'est-ce qu'ils se sont quand même apportés l'un et l'autre? De quelle manière ils ont été importants l'un pour l'autre? Ben, le fait que Sam Phillips a été le directeur d'un laboratoire fabuleux. Elvis, en fait, est venu au monde, si je peux dire, en incubateur. Il avait peu de métier, elle n'avait pratiquement jamais chanté sur scène, avait un répertoire de chansons gospel ou de chansons country, mais c'était de trouver un son, une dynamique différente, et c'est de l'avoir fait chanter de différentes façons. Ouais. That's All Right Mama est le plus bel exemple. C'était à l'origine un blues beaucoup plus lent, et les musiciens se sont mis à s'amuser en studio pour détendre l'atmosphère, et quand ils ont accéléré la pièce pour le plaisir, en lui donnant le petit côté chaloupé qu'on connaît, qui est maintenant classique, Sam Phillips a tout de suite saisi l'occasion en disant « C'est ça, les gars, vous avez touché quelque chose qui va fonctionner. Ouais. » Et il avait un sens musical sans être un grand musicien, mais comme il avait écouté beaucoup de musique en tant que disc jockey, ça a vraiment fait en sorte de canaliser le travail d'Elvis. Et puis pour Phillips, bien sûr, on le disait, mais ça lui permet, à la vente du contrat de Presley, de relancer son entreprise, de la sauver, avec Blue Sweat Shoes, son premier grand succès national, chanté par Carl Perkins. Mais après ça, là, dans les années qui suivent, Steve Normandin, c'est la folie furieuse. Les grands noms se succèdent. Oui, et puis pas les moindres. Je veux dire, dans son studio arrivera Johnny Cash, Roy Orbison qui fera ses tout débuts mais partira presque tout de suite pour aller enregistrer chez Monument Records. Et surtout, le grand Jerry Lee Lewis, qui est à sa façon à la fois une bombe musicale, mais aussi un concepteur de chansons. Il fait, je dirais, avec le piano, ce que Elvis va faire avec une guitare, c'est-à-dire de donner une énergie puissante et nouvelle. Mais de tous les artistes qu'on a cités, c'est quand même beaucoup d'artistes blancs qui, dans le sillage d'Elvis, ont pris leur place. Ce serait injustement oublié tous les artistes noirs, comme on nommait au début d'émission, les Howlin' Wolf, B.B. King. Même, il a enregistré des prisonniers qui ont fait un énorme succès avec Just Walking in the Rain, qu'a repris plus tard Johnny Ray. Ces prisonniers avaient des belles voix, mais étaient soit condamnés pour meurtre ou pour vol. Et ils trouvaient qu'ils avaient un potentiel musical. Et avec des policiers, ils sont rentrés en studio, ils ont enregistré Just Walking in the Rain grâce à la perception de Phillips, qui avait été une belle intuition cette fois-là. Et puis en 1956, le hasard réunit, ça c'est vraiment extraordinaire, le temps d'une session d'enregistrement improvisée, le hasard réunit quelques géants qui sont associés à l'étiquette Sun Records, et ça va donner ce qu'on va appeler par la suite le Million Dollar Quartet. Tempted and tried, we're off me. Why it should be thus, all but in all. While there are others living around us, never molested, though in the Racontez-nous l'histoire de cette session d'enregistrement, Steve Normand. Ben, 4 décembre 1956, Carl Perkins, qui est alors au sommet avec sa chanson Blue Sweat Shoe, a une session d'enregistrement avec une autre vedette maison, qui est Jerry Lee Lewis, qui l'accompagne au piano. Ils ont du temps de studio à tuer. Il se trouve que Johnny Cash, en copain, vu qu'il connaît évidemment tout le monde, vient assister à la session pour s'amuser, prendre une guitare. Tu connais celle-là? Et en habitué de la musique locale, ils commencent à chanter tout le répertoire qu'ils connaissent de blues, de pièces gospel, de country. Et là, Sam Phillips fait ni une ni deux. Il se dit, attends, trois de nos vedettes maison sont là. Je m'organise, je passe un coup de fil. Il appelle Elvis. Il dit, écoute, peux-tu venir faire un tour? Il y a une bande de copains, mais il est déjà plus sous contrat avec Sun. Il est chez RCA, mais la bande de potes est là. Ça vous dit de jouer les gars? Oui, pas de souci. Et Sam Phillips enregistre, non pas à l'insu, vraiment pour le plaisir, il part la machine. Le hic, si c'en est un, c'est que bien qu'il sorte, c'est vraiment le Saint Graal de la musique de Memphis à ce moment-là. Ouais, ouais. Mais cette merveille va ressortir que des années plus tard, même après la mort d'Elvis, parce qu'il se trouve que ces archives-là n'avaient jamais été publiées. Et quand ceux qui ont racheté plus tard l'entité Sun Records ainsi que toutes les archives ont mis la main sur cet enregistrement mythique, tous les collectionneurs, tout le monde en parlait parce que ça s'était dit, ah oui, les quatre un jour se sont réunis en studio et on fait quelque chose. Mais quand on écoute ces enregistrements-là, on se rend compte à quel point cette musique-là était fondatrice et qu'ils avaient le même champ d'action. Ça les a nourris tous les quatre. Oui, puis c'est mythique parce que c'est comme vous le disiez, c'est comme un Polaroid de l'âge d'or de cette période. Au moment où la musique venait au monde. Exactement. Voilà. À Memphis. Évidemment, Phillips va finir par vendre Sun Records à la fin des années 60, mais ça reste un homme d'affaires. Il va être un des fondateurs dans les Day-In. Enfin, il va rouler sa bosse, puis il va mourir en 2003. En 2003, précisément. Oui. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, Steve Normandin, d'abord des studios à Memphis de Sun Records? Ils existent toujours. Et de ce répertoire-là, en fait. Le studio, lui, existe sous une forme beaucoup plus muséale, mais il y a plein de musiciens qui ont voulu tenter, je vais mettre en guillemets, l'aventure Sun et se retrouver dans ce lieu mythique avec les vrais instruments, les quelques micros encore en fonction. Et il y a toujours quand même cette vie. Et je dirais que c'est pas de l'ordre du souvenir, non, parce que sans Sam Phillips et sans Sun Records, il n'y aurait jamais eu toute la veine de rock telle qu'on va la connaître aujourd'hui. C'est vrai, d'avoir un lieu et une idée, une entité de vouloir faire connaître à un pays entier et voire même après à la planète, la musique qui se trouvait là et qui était belle, c'est devenu un lieu, et c'est à ce sens-là où le mythe est devenu grand, quoi. Ouais. Qu'on peut voir, donc qu'on peut toujours visiter aujourd'hui. Bien sûr, et acheter tous les disques qui sont disponibles encore en réédition. Steve Normandin, auteur, compositeur, interprète, ami de l'émission. Merci beaucoup, Steve. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.